Oui, tu sais, j'aime pas tellement cette idée de raconter sa jeunesse, de critiquer ses parents, de les salir. Je suis assez ignorante, je sais, mais je suis certaine d'une chose, c'est qu'une œuvre d'art ne peut pas être un règlement de compte, ou alors ce n'est pas une œuvre d'art. Et c'est bien parce que la limite entre l'œuvre d'art et le règlement de compte n'est jamais clairement définie que l'œuvre d'art nous trouble autant. Qui parle au cinéma ? Le réalisateur qui puise dans ses souvenirs pour créer ? L'acteur qui met son propre corps au service d'un personnage de fiction ? Le spectateur qui ne voit que ce qu'il veut bien voir et qui lui ressemble étrangement ? Ou l'auditeur de radio qui s'apprête à découvrir l'extraordinaire aventure du cycle Antoine Doinel, personnage inventé par François Truffaut en 1959 dans Les 400 coups et qui l'accompagnera pendant 20 ans jusqu'à L'amour en fuite en 1979. Double ou fiction, Antoine Doinel est inventé par François Truffaut et interprété par Jean-Pierre Léaud, et voici le résultat. Monsieur Antoine Doinel est demandé dans le bureau du juge. Ici souffrit le pauvre Antoine Doinel, puni injustement par Petite Feuille pour une pinote tombée du ciel. Alors, bonjour, monsieur Doinel, asseyez-vous. Ça y est, tant mieux pour vous, et j'ajoute tant mieux pour nous, parce qu'il y a des individus que, dans l'intérêt général, on n'a pas intérêt à s'en encombrer dans l'armée. Entre nous, ce sera dent pour dent, œil pour œil. Réforme définitive, instabilité caractérielle. C'est valable même en temps de guerre. Qu'est-ce que tu fais, Antoine ? Ce que je fais, je te le donne en mille. Je me vais. Tu t'en vas ? Oui, mais avant, je me vais. Tu commences à chipoter dès le matin. Viens. Viens là. Ah, il est formidable, cet enfant. Il est vraiment formidable. J'étais sûr qu'il serait formidable, mais il est encore plus formidable. Je ferai de lui ce que j'ai pas pu faire moi-même. Ce sera un grand écrivain. Ce sera Victor Hugo ou rien. Dis-moi, tu étais plus tendre cette nuit. J'étais tendre, moi ? Oui, tendre, très tendre. Je ne me souviens de rien. Vous aimez la musique, Antoine ? Oui, monsieur. Non, non, il faut pas m'embrasser. Ah bah moi, vous croyez justement ? Non, non. Franchement, je t'assure, je peux encore dormir à côté de toi sans que la terre s'arrête de tourner, tu vois. Écoute, moi, je ne suis pas comme toi. Je n'aime pas ce qui est flou, je n'aime pas ce qui est vague, je n'aime pas ce qui est équivoque, je n'aime pas ce qui est ambigu. Ne m'approche pas, ne me touche pas. Nous n'avons plus rien à faire ensemble. Alors franchement, je me demande ce que je fous ici, toi. Moi aussi. Bon, bah très bien. Très bien. Ma vie est compartimentée et je ne peux pas la changer comme ça du jour au lendemain. Tu sais une chose, tu me fatigues. Et pendant ce temps, Alphonse grandissait. Salut Alphonse, t'as bien dormi ? Oui, papa. Et donc, tu l'as vu, la ferme ? La ferme ? Quelle ferme ? La ferme ta gueule. Si j'avais su tout cela, Antoine, pourquoi ne m'as-tu rien dit avant aujourd'hui ? Parce que toute ma vie, j'étais habituée à cacher mes émotions, à ne rien dire directement. Bonjour Arnaud Guig. Bonjour. Bienvenue sur Les Chemins de la Philosophie. Vous venez d'entendre en 2 minutes 11 un montage d'extraits des différents films où figure Antoine Doinel, les films dont on va parler ce matin, proposés par Thomas Beau. Antoine Doinel que vous connaissez bien, vous êtes philosophe, spécialiste de François Truffaut, vous avez beaucoup écrit sur Truffaut, on vous doit un dictionnaire Truffaut, coécrit avec Antoine Debecq, hein, Truffaut et Godard, la querelle des images, François Truffaut, la culture et la vie. Vous avez passé votre vie avec Truffaut en fait. J'ai passé pas mal de temps, mais beaucoup moins maintenant. Oui, au moins une bonne vingtaine de mon existence. Et vous l'aimez toujours autant ? Est-ce que, comme le dit Christine dans l'extrait film qu'on a entendu, il vous fatigue parfois ? Non, il ne me fatigue pas. Moi, c'est quelqu'un qui m'a profondément influencé, ça n'est pas le seul, mais qui m'a influencé dans mon existence et encore aujourd'hui, dans ma façon d'être avec les gens. Dans ma façon d'être avec les femmes aussi, je crois. C'est vrai ? Oui. Mais c'est une bonne chose ? Ça dépend pour qui, peut-être. Pour les femmes ? J'espère, parce qu'effectivement, je pense qu'il donne une image dans ses films de très belles relations entre les hommes et les femmes. Et en tout cas, moi, c'est celle que j'admire et que j'essaie de vivre. Et puis, indépendamment de ça, il faut savoir tout de même que c'est quelqu'un qui a influencé énormément le goût des gens et les miens en matière cinématographique. Enfin, vous savez que c'était un très grand critique et que, à ce titre, il a eu une très très forte influence dans le goût des films et des grands cinéastes. Les Renoir, les Hitchcock, les Howard Hawks, les Nicolas Ray. Tiens, il y a une rétrospective en ce moment à la Cinémathèque dessus. Si nous aimons, je crois, aujourd'hui énormément ces auteurs et ces films, enfin, en tout cas, pour moi, c'est absolument clair. C'est grâce à Truffaut. C'est-à-dire aux critiques qu'il a faites de ces films-là. Il nous a dit, pourquoi les aimer, comment les aimer. Moi, Johnny Guitar, de Nicolas Ray, c'est encore un film qui me bouleverse absolument. Et il a beaucoup écrit dessus, il s'en est inspiré pour ses propres films. Voilà. En 1959, François Truffaut fait paraître sur les écrans Les 400 coups, où apparaît le personnage d'Antoine Doinel, qui va l'accompagner presque tout au long de sa vie, de sa courte vie, parce que François Truffaut est mort très jeune, à 52 ans, je crois, d'une tumeur au cerveau. Il a le temps de faire beaucoup de films, dont 4 films et un court-métrage autour du personnage d'Antoine Doinel. Est-ce que vous aimez ce personnage autant que François Truffaut? Oui. Il me touche profondément, mais le personnage, je dois dire, et on va en parler, mais le personnage est absolument indissociable de l'acteur, c'est-à-dire de celui qu'il incarne, Jean-Pierre Léaud. Très honnêtement, on a de plus en plus de mal, je crois, enfin, à l'époque, on avait beaucoup de mal à faire le distinguo entre Jean-Pierre Léaud et Doinel. Et Truffaut, d'ailleurs. Et Truffaut, absolument. On se demandait, en fait, si Truffaut est Doinel, et si Doinel est Léaud, et si Léaud est Truffaut. Absolument. Bon, voilà, on a beaucoup parlé de cette histoire-là, mais c'est vrai qu'il y a un mimétisme très fort, vous le savez. Léaud a pris beaucoup de Truffaut. Et Doinel, évidemment, est un mixte, pour dire les choses très simplement, hein, Doinel est un mixte de Jean-Pierre Léaud et de Truffaut. Mais, comment vous dire, Jean-Pierre Léaud, lui, on le voit encore à l'écran, on le voit encore dans les films, au cinéma, tandis que Truffaut, non, il ne nous reste plus que sa voix et quelques reportages. Mais voilà, Jean-Pierre Léaud vit encore. Truffaut aussi, par sa voix, que voici, quand on lui pose la question de savoir mais comment l'idée même du cycle Doinel lui est venue à l'esprit, est-ce que c'était le hasard ou la nécessité? Voici sa réponse. C'est le hasard. Au départ, c'est le hasard. Quand il y avait le scénario des 400 coups donc, qui existait, on a fait passer une annonce dans un journal disant que les petits garçons qui avaient envie de faire du cinéma pouvaient se présenter tous les jeudis où je faisais des essais en 16 mm près des Champs-Élysées. Beaucoup d'enfants sont venus et j'ai retenu Jean-Pierre Léaud, qui était plus intéressant que les autres, plus fiévreux, plus intense, qui avait envie du rôle, qui avait formidablement envie du rôle. Je crois que ça m'a ému. Et il a admirablement joué le film. J'ai senti au cours du tournage des 400 coups que le scénario s'élevait, c'est-à-dire disons que le film devenait meilleur que le scénario grâce à lui. Peut-être que j'avais conçu un personnage qui était un peu plaintif, un peu solitaire, un peu rentré, introverti. Et Jean-Pierre Léaud avait une espèce d'arrogance, de vaillance aussi, qui m'a plu. Mais j'ai quand même attendu plusieurs années avant de faire donc Baiser volé, qui a été une sorte de retour d'Antoine Doinel à la sortie de son service militaire. Et la fin de Baiser volé, je crois, était assez ambiguë. Enfin, il y avait quand même assez d'éléments pour annoncer la suite qui a été domicile conjugal, donc Antoine Doinel marié. 10 ans après L'amour en fuite, qui reprenait des éléments des films précédents et qui avait un côté quand même conclusif pour moi, enfin qui avait un côté récapitulatif tel que j'avais décidé de ne plus jamais toucher à ce personnage Antoine Doinel. Voilà, François Truffaut fait le travail, il nous présente le cycle Antoine Doinel, ça n'a pas d'équivalent dans l'histoire du cinéma, cette succession de films, Arnaud Ging? Sous cette forme, non. Avec le même acteur sur 20 ans. Non, sous cette forme, non. Il y a eu des tentatives, il y a un ou deux ans, là, de Boyhood. Oui. Vous vous rappelez, où on voit le jeune acteur de l'âge de 6 ans à 18 ans. Mais en un film. Voilà, mais en un film. Et c'est toute la différence. Alors que là, ce qui est intéressant dans ce cycle, c'est qu'en fait, chacun des films, d'abord peut-être vu pour lui-même, et puis sont de factures totalement différentes. On en parlera, mais ça n'a rigoureusement rien à voir. Les 400 coups n'a rigoureusement rien à voir avec Domicile conjugal du point de vue du type de film. L'un est une comédie extrêmement amusante. Les 400 coups, c'est pas une comédie, c'est un film extrêmement grave. Et d'ailleurs, dans le cycle, moi, j'aurais tendance à penser que Les 400 coups est tout de même un peu à part du reste. Parce que Jean-Pierre Léaud et Doinel jeune, c'est un personnage, je trouve, qui ne fait pas beaucoup sourire. Enfin, c'est assez triste. C'est une situation tout de même assez triste. C'est tout de même un enfant qui n'est pas tellement aimé et qui est en partie rejeté par le système. Et tous les autres films de la série sont beaucoup plus amusants, je trouve beaucoup plus enlevés. Et c'est le contraire. Là, Doinel va chercher à s'insérer dans la société. Enfin. Et vous croyez Truffaut lorsqu'il dit que c'est vraiment le hasard, comme si son rapport au cinéma n'avait pas été guidé aussi par le besoin de raconter quelque chose qui lui ressemblait un peu? Non, mais le cycle lui-même, oui, ça c'est un hasard. Enfin, un hasard. C'est-à-dire qu'il est évident qu'il n'a pas eu, au moment des 400 coups, l'idée de réaliser l'ensemble de ses films avec Jean-Pierre Léaud. Ça, c'est absolument évident. Et on le voit bien, parce que les 400 coups, encore une fois, forment vraiment un tout. Il a à peu près 14 ans, Jean-Pierre Léaud. Et après, on est vraiment, je trouve, dans un registre, encore une fois, je trouve assez différent, beaucoup plus léger. Moi, je trouve que Jean-Pierre Léo, jeune, il y a une certaine gravité dans son personnage. Et puis, vous voyez, Truffaut l'a dit, là, quand il l'a recruté, il a parlé d'une forme d'arrogance, je crois. Et c'est vrai, c'est quelqu'un qui était assez sûr de lui. Dans l'essai qu'il a fait pour les 400 coups, on le voit. Alors que dans les autres films, tous ceux qui vont venir ensuite, on ne peut pas dire que Doinel soit un personnage arrogant. Enfin, c'est le contraire de quelqu'un d'arrogant, le contraire de quelqu'un de sûr de lui. Moi, je le trouve assez différent, en fait. Ah, moi, je le trouve très arrogant jusqu'au bout. Ah oui. Ah oui. Ça ne veut pas dire qu'il ne soit pas sûr de lui. Mais en revanche, dans son rapport aux fans, dans son rapport aux autres personnes, il prend les gens de haut, ce qui est touchant aussi. C'est comme souvent, l'arrogance est le masque d'une fragilité qu'on voit dès le premier film. Mais en revanche, elle le poursuit, non ? Alors là, non, pas du tout. Moi, je ne trouve pas du tout. Parce que l'arrogance qu'il a, je vais vous dire ce que c'est. L'arrogance qu'il a, c'est lorsqu'il dit, par exemple, je crois que c'est dans Baiser volé, où il dit « Ah non, moi, je ne me mouche jamais dans les mouchoirs en papier. » Bon. Mais il le dit avec un ton, comme si, avec un ton solennel, comme si jamais ce le sort dira de l'humanité. Aussi Dorothée dans. Oui, oui, mais comme si jamais le sort de l'humanité allait en dépendre. Et c'est ça le décalage qui est en permanence entre certaines affirmations qu'il peut avoir et la réalité, où il n'y a rigoureusement aucune proportion entre les deux. Et donc il y a pas d'arrogance. Ça peut paraître arrogant de dire ça. Je ne me mouche jamais dans les mouchoirs en papier. Mais en réalité, enfin moi, ça me fait rire. Voilà, ça me fait complètement rire, parce que c'est quelqu'un qui a un pas en dehors de la réalité quotidienne, et qui est dans les extrêmes, y compris pour des toutes petites choses et pour des détails. Mais ce qui est passionnant quand on écoute Truffaut, c'est de découvrir que cette épaisseur du personnage n'était pas préméditée par Truffaut, c'est Léo qui la porte. C'est Jean-Pierre Léo qui, par son jeu, va donner une forme de robustesse, dit-il, au personnage qui n'était pas prévue. Oui, absolument. C'est vrai que pour les 400 coups, en tout cas, ça c'est clair, le personnage était sans doute un peu différent. Et Jean-Pierre Léo, ben, tout simplement, l'incarne, lui donne une vérité, une réalité. Et puis, on est infiniment, je ne vois pas comment on peut ne pas être attaché au personnage de Doinel dans les 400 coups. Tandis que plus tard, et j'ai senti que c'était un peu votre cas peut-être, plus tard, lorsqu'il va vieillir, je sais qu'il y a un certain nombre de spectateurs qui n'apprécie pas le jeu, là je ne parle pas du personnage, mais qui n'apprécie pas le jeu de Jean-Pierre Léo dans Les Doinel, mais aussi dans les autres films, puisqu'il a un jeu un peu particulier. Il a un jeu qui, comme le dit Truffaut, fait qu'on bascule immédiatement dans la fiction. Ce n'est pas du tout théâtral, mais on bascule dans le romanesque, on bascule dans autre chose. Alors moi, j'adore ça, mais certaines personnes estiment qu'il joue faux. Mais d'autant que lui-même s'identifie énormément à ses personnages. Hein. C'est Truffaut qui raconte une anecdote à propos de Jean-Pierre Léo. C'est après le tournage de Domicile conjugal. Il dit, Jean-Pierre Léo est venu me voir et m'a dit, tu vois, je me rendais compte vers la fin du tournage que ce film ne serait pas très rigolo. Maintenant, il faut que je change. Je dois mieux me conduire avec les filles. J'ai beau lui dire, dit Truffaut, mais ce n'est pas toi, c'est Doinel. Il demeurait choqué, répétait, non, non, non, il faut vraiment que je fasse un effort pour me conduire autrement. Oui, oui, c'est assez amusant ça. Bah oui, mais parce qu'il faut être honnête, Jean-Pierre Léo, à force d'avoir tourné des Doinel, c'est lui-même douanélisé, je pense, en partie dans son existence, mais aussi dans d'autres films. On l'a accusé de jouer d'une manière un peu uniforme dans les autres films qui n'étaient pas ceux de Truffaut. Il a tourné deux autres films avec Truffaut. Il a tourné dans La Nuit américaine et puis dans Les Deux Anglaises et Le Continent. Bah, c'est vrai qu'en tout cas, dans La Nuit américaine, c'est absolument clair. C'est le même. Hein, oui, on a l'impression que c'est Doinel. On a vraiment l'impression que c'est Doinel. Mais même, vous savez, dans Les Deux Anglaises, qui se passe au début du siècle, on a l'impression que c'est lui aussi, parce que c'est un personnage, Truffaut l'a souvent dit, et on le voit, c'est un personnage anachronique, Doinel. Anachronique, c'est-à-dire c'est un personnage presque du 19e siècle, je trouve, enfin, d'une autre époque. Mais l'idée qu'il est arrogant, alors là, ce que vous m'avez dit me surprend vraiment. On a encore du temps pour en parler. Encore un dernier point avant qu'on écoute des extraits, quand même, c'est aussi le but de cette émission. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que, certes, Jean-Pierre Léo s'est douanélisé, mais quand même, les personnages masculins au cinéma ont été influencés par ce personnage d'Antoine Doinel. Oui, alors là, moi je pense qu'en tout cas, ce qui est clair, si vous voulez, c'est que à la fin des années 50, là en 59, lorsque sortent les 400 coups, et puis ensuite le deuxième, hein, Antoine et Colette, c'est 62, il est absolument évident que le personnage de Léo, de Doinel, apporte quelque chose de radicalement neuf dans le cinéma français. Radicalement neuf. On voit la rupture avec les Gabins, avec les Ventura, et même Belmondo. Même Belmondo qui est utilisé dans À bout de souffle en 59. C'est vrai que je trouve que Doinel s'en démarque. On est encore dans les rapports, justement, entre hommes et femmes qui sont chez Godard dans À bout de souffle, qui sont encore un peu, pour moi, du cinéma de la décennie précédente. Il y a vraiment une rupture à partir de ce moment-là. C'est-à-dire qu'on est dans l'anti-héros, ouais, total. On n'est plus dans les fiers à bras, les costauds, les virils, et puis surtout la notion de courage. Ça, je crois que Truffaut a vraiment apporté quelque chose de neuf, moi, qui me touche profondément. La notion de courage qui était associée de façon indubitable aux hommes, ça n'est plus le cas, ça n'est plus une valeur considérée comme telle par Truffaut. Lui, on va peut-être en parler, là, c'est dans Baiser volé, il est question du tact. Voilà, une autre qualité bien supérieure au courage. C'est la différence entre la politesse et le tact. Je ne sais pas si on en parlera. C'est vrai qu'il fait penser à un personnage du roman du 19e siècle. Hein. Ça pourrait être Fabrice Eldongo ou Julien Sorel, hein, cet Antoine Doinel, dans son côté anti-héros et parfois, voilà, courage, tact. Exactement. En tout cas, là, je pense qu'il y a vraiment une rupture et puis une forme de douceur, une forme de féminité. Moi, je trouve qu'il y a une forme de féminité. Oui. Et puis de juvénilité, enfin voilà, ça c'est évidemment ce qui le caractérise, c'est qu'il a beau vieillir, pour nous il ne vieillit pas. Alors voici un extrait de son casting, le premier casting, enfin là, François Truffaut qui caste Jean-Pierre Léo pour le rôle principal, donc Antoine Doinel dans Les 400 coups, c'était en 1958, vous allez entendre bien Jean-Pierre Léo pour la première fois à l'écran, alors cette fois-ci c'est Jean-Pierre Léo qui ne joue pas, ou alors Jean-Pierre Léo qui joue Jean-Pierre Léo, la question se pose de savoir s'il n'est pas en permanence en train de jouer lui-même, et puis ensuite un court extrait des 400 coups pour qu'on commence quand même à remonter ensemble le cycle Antoine Doinel. On n'a pas mis ton âge sur la lettre, quel âge as-tu ? J'ai 14 ans. T'as 14 ans ? Oui. Ah bah c'est un peu vieux là pour les rôles principaux. Oh oui, mais je suis pas très grand. Hein. Ah bon? Tu parais 12 ans et demi, tu crois? Bah je pense. Et puis vous aviez dit qu'il fallait un gars qui soit gouailleur. Et ben, c'est gouailleur? Oui. Ah bon, c'est pour ça, parce que le gars penseur, moi... Non. Mais tu vas en classe où? Oh bah ça, je suis à 200 km de Paris, alors pour venir, je suis... Hier, j'ai pris le train, puis je suis venu spécialement. Ah bon, ça me fait des vacances, quoi. Ouais. Sinon, ça tu es en pension quoi, là. Oui, je suis en pension interne, quoi. Ah bon, je sors juste aux grandes vacances. Mais là, ils vont pas être contents, alors, de te voir manquer comme ça. Oh, mais eux, ça fait rien, du moins que je suis content. Ah bon, c'est ancien. Et ta maman joue, hein, au cinéma? Oui, oui, aussi. Quel nom, comment elle s'appelle? Jacqueline Pierreux. Ah ouais. Et tu connais Monsieur Dobarki, je vois? Oh ben moi je connais pas grand monde, c'est ma mère qui le connaît, puis alors on l'a rencontré sur les Champs-Élysées. Ah bon? Alors ma mère justement elle a dit tiens, monsieur, enfin un ami, il veut, on a vu dans le journal pour qu'il fasse du cinéma, les enfants. Alors il a dit, il y a mon fils, hein. Puis il a dit bon ben envoyez-le de ma part, puis alors de ma part on a envoyé une lettre de sa part. Il est gentil monsieur Marquis? Oh ben vous savez, je l'ai vu 5 minutes, enfin il semble très gentil. Ouais. Sur la route comme ça. Dans la vie tu es plutôt triste ou gay? Oh moi je suis gay, je suis pas triste. Ah bon? Bien coupé. Bonsoir, maman. Bonsoir, bonsoir. Où est la farine? Quelle farine? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu ne m'as pas acheté ce que j'avais marqué. Où as-tu mis le mot que je t'avais laissé? Je l'ai perdu. Hein? Pas étonnant, après ça, tu te dis mauvaise note. Allez, va me chercher mes mules. Elles sont dans la chambre. Sous le lit. En attendant, moi, j'ai besoin de farine. Allez, va m'en chercher tout de suite. Bien, maman. Antoine, qu'est-ce que tu attends pour aller te coucher? Bonsoir, pas maman. Antoine, n'oublie pas les ordures et éteins la lumière dès que tu seras couché. Bon. Je ne sais pas ce qui est le plus émouvant, Arnaud Guigues. Jean-Pierre Léo, qui lors de son premier casting en 1958 à 12 ans et demi, parle déjà presque comme un adulte, ou Antoine Doinel, qui dans Les 400 coups, donc un an plus tard, joué par Jean-Pierre Léo, à qui l'on parle comme à un chien. Oui, c'est vrai. Je trouve que dans l'essai là, que je réentends, dans le casting, là, ce qui est très étonnant, c'est que je trouve que Léo est meilleur dans ses réponses que Truffaut dans ses questions, ce qui est absolument incroyable, et qu'il a le même style que Truffaut, qui répondait avec une très grande précision aux questions qu'on lui posait. Vous avez vu les questions que Truffaut lui pose, il y répond en ayant le souci de répondre adéquatement, correctement, et même jusqu'au bout, jusque dans des détails. Ouais. Et ça, c'est assez troublant. Mais en même temps, je trouve que, vous voyez, en le réécoutant, je me dis que lorsqu'il va vieillir, Léo va beaucoup s'éloigner, en réalité, beaucoup plus même qu'on pourrait le croire, mais beaucoup s'éloigner du Léo qu'il était jeune. Là, il y a une assurance absolument incroyable dans la façon dont il répond. Et puis on sent effectivement qu'il veut ce rôle, et on le saura ensuite, le cinéma, tout de suite, il a voulu en faire. Et ça, à mon avis, il va le perdre complètement dans les autres Douanel ensuite. Complètement. Cette assurance ? Oui, cette assurance. Enfin, moi, je trouve. Et puis, c'est vrai d'ailleurs, c'est que c'est quelqu'un qui, comme acteur, ensuite, je crois, va beaucoup douter, va prendre des coachs, s'entraîner pour les scènes. Tout simplement, voilà, la forme d'insouciance qu'il pouvait y avoir au moment des 400 coups aura vraiment complètement disparu. Il faut dire que le film rencontre un grand succès dès sa sortie. Oui, les 400 coups, c'est un succès absolument considérable, parce que c'est une rupture totale par rapport au film sur les enfants qu'il y avait pu y avoir à l'époque. Hein, voilà. Les 400 coups, évidemment, à ce moment-là, on le sait, au moment des 400 coups, il n'y a pas encore le cycle Douanel. Donc il faut vraiment voir le film comme succédant au cinéma de la qualité qui précédait, et notamment à ces films sur les enfants, le fameux film de Delannoy qui s'appelle Chien perdu sans collier, avec Gabin, et les 400 coups est une espèce de réponse à ce film-là. Film dans lequel les enfants jouaient des espèces de faire-valoir de Gabin, qui était le juge pour enfants. Et vous savez, la fameuse scène de la psychologue est une réponse aussi, dans les 400 coups, à une scène un peu équivalente dans Chien perdu sans collier. Donc c'est comme ça qu'il faut, je crois, comprendre les 400 coups. Le cycle Douanel ne démarre qu'avec le deuxième, par définition, si j'ose dire. Oui, parce que c'est pas un cycle, il n'y a qu'un film. Voilà, au moment des 400 coups, puisque Truffaut ne l'avait pas du tout envisagé, les 400 coups ne forment pas du tout les prémices d'un cycle. Même si la fin reste ouverte. Alors avant d'arriver au deuxième film, qui est le court-métrage, Antoine et Colette, un instant quand même sur les 400 coups, même si on a déjà fait une émission sur le sujet ensemble, Arnaud Glick, c'était il y a 3 ans, donc je renvoie à ceux qui voudraient écouter toute l'émission sur ce film. L'extrait qu'on a donné à entendre, en fait, on a donné à entendre un montage entre la mère d'Antoine Douanel et lui-même, montre toute l'ambivalence en fait de sa mère. Je dis qu'on lui parle comme à un chien. C'est vrai, et en même temps, on peut pas dire qu'il est complètement mal aimé. Le personnage de la mère est profondément ambivalent, et on sent que de cette ambivalence, l'enfant souffre. Oui, Truffaut l'a dit, et on l'entend bien dans cet extrait-là. On ne peut pas dire que Douanel soit un enfant martyr, ni un enfant maltraité. Comme dit Truffaut, c'est un enfant qui n'a pas été traité. Ce qui n'a rien à voir. Il y a des moments de joie, d'ailleurs, de temps en temps, dans le film. On les voit, la mère, le beau-père et Douanel, aller au cinéma. Ils en sortent très heureux, ils font des blagues. Non, il y a des moments de ce genre-là. C'est simplement que c'est une mère qui ne s'intéresse pas à son enfant, qui l'ignore. Mais jamais il n'est battu, ni encore une fois maltraité. C'est ça, je crois, qui est le plus douloureux. C'est-à-dire que c'est un enfant, au fond, qui n'est pas vraiment aimé. Elle voudrait pouvoir s'en débarrasser. À plusieurs moments dans le film, on le voit, le souci pour elle et son mari, ce serait de pouvoir, le confier à quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, comme l'a fait la mère de Truffaut, d'ailleurs. Absolument. Et c'est ce qui va se passer, d'ailleurs. La fin du film, c'est bien ça. C'est que finalement, il va terminer au centre des mineurs délinquants. Et c'est le tournant, ou ce dont on se souvient du film quand on l'a vu, c'est cette fameuse réplique un jour où il doit excuser une absence à l'école, plutôt le fait qu'il n'ait pas fait ses devoirs. Il dit, c'est ma mère, quoi, qu'est-ce qu'elle a ta mère? Elle est morte. Or, c'est faux. Elle arrive le lendemain ou même le jour même et on voit bien que c'est un énorme mensonge. Et de ce mensonge, il ne pourra pas se défaire. Tout part de ce mensonge-là. Et c'est assez intéressant parce que Truffaut, à l'inverse, dans son rapport au cinéma, a l'air de vouloir rechercher l'inverse du mensonge. Est-ce la copie de sa propre vie? C'est vrai que le rapport à sa mère est assez identique, sans doute à celui d'Antoine Doinel avec sa mère. Mais en tout cas, il y a comme une recherche de quelque chose qui pourrait être la vérité. Il n'emploie pas beaucoup ce terme, mais un souci de dire ce qui est. Avec la magie que le cinéma peut apporter, mais on n'est pas dans le mensonge dans le cinéma de Truffaut. Oui, mais c'est une façon de parler. Reste que le cinéma, le principe même du cinéma et la fabrication d'un film relève du mensonge en tant que tel. C'est-à-dire qu'il s'agit de produire un effet de vérité, mais par des ressorts qui sont complètement factices. Bien sûr, c'est un effet de vérité qu'il recherche, ça c'est absolument sûr. Mais Doinel, finalement, jeune, et même ensuite, c'est quand même quelqu'un qui est capable de mentir, oui, qui est capable... Ah bah oui, ça, oui, ça ne s'en prive pas. De mentir, mais il ment... alors là, dans les 400 coups, je dirais que c'est un mensonge propre à quelqu'un de son âge. Ensuite, ce seront des mensonges, comment dirais-je, tels qu'il arrive à se faire pardonner. Voilà. Il me semble que c'est ça, le personnage de Doinel. Et surtout par les femmes auxquelles il ment. Me semble-t-il. Oui, je vois que vous n'osez pas me regarder en affirmant ça de peur de voir mon désaccord. On va écouter un extrait d'Antoine et Colette, donc le court-métrage 1962, qui suit les 400 coups. Et Truffaut raconte, hein, il l'a raconté au début de l'émission, que c'était un peu par hasard que finalement il avait repris le même personnage. Écoutez bien cet extrait. Antoine Doinel est à table avec les parents de Colette. Colette va rentrer, puis repartir avec un autre homme, si bien qu'on se demande ce qu'Antoine cherche chez Colette et plus largement chez les femmes qu'il aime. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour madame. Ça va? Oui, ça va. C'est vous? Vous avez dîné? Oui, oui. Sûr? Oui, j'ai dîné, merci bien. Mais c'est bien vrai? Oui, oui, vraiment. Est-ce que je peux vous faire une petite omelette avec une salade? C'est vite fait. Non, non, vraiment, je prends une mandarine maintenant. Vous voulez une assiette pour mettre vos épluchures? Non, c'est pas à peine, vous dérangez pas, je vais mettre dans la vôtre. Allez-y. Oh, encore? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. C'est le vrai défilé, hein? Vous comprenez, Antoine avait fait la conquête de mes parents. Il passait son temps à la maison. Il s'est pas rendu compte que pour moi, il était devenu une sorte de cousin. J'avais drôlement envie d'aventures plus palpitantes. Maman, je te présente Albert. Je t'en ai déjà parlé. Bonjour, madame. Mon beau-père, Albert, t'a dit. Bonjour, monsieur. Et Antoine. Vous connaissez déjà, je crois. Hein? Oui, on s'est vu une fois. Une minute, Albert, je cherche mon manteau. Donne-moi une cigarette, s'il te plaît. Oui. Ah, ça y est, hein, je suis prête. On se tire. Salut. Bonsoir. Bonne soirée. France Culture, Les Chemins de la Philosophie, Adèle Van Rett. Vous aurez entendu la voix de Colette beaucoup plus tard dans le film L'amour en fuite, qui est en fait composé de flashbacks qui donnent à voir et donc à revoir des extraits d'Antoine et Colette, de Baisers volés, de Domicile conjugal. Et donc on entend Marie-France Pizier, plus âgée, qui raconte elle-même cet extrait-là. Alors que cherche Antoine Doinel chez les femmes qu'il aime, puisque de toute façon quand il va chez elle, bah, elle part avec quelqu'un d'autre, en tout cas celle qu'est Colette. Peut-être tout simplement une famille, non, Arnaud Guigues? En tout cas, c'est ce qu'il a trouvé là. Ben oui, c'est exactement ça. Et c'est quelque chose qui sera récurrent dans la suite du cycle Doinel. C'est-à-dire que Doinel aime, alors plusieurs types de femmes, on le verra, mais au moins une première catégorie, ce sont les jeunes filles qui ont des parents gentils. Et si j'utilise cette expression, il le dit, c'est lui-même. Parce qu'il le dira lui-même. Voilà, des jeunes filles qui ont des parents gentils. Et c'est effectivement ce qu'on voit là, c'est une scène absolument bouleversante, hein. C'est vraiment la dernière scène de ce court-métrage qui fait une trentaine de minutes. À l'entendre, on ne peut pas saisir tout ce qui s'y joue, mais quand même, on saisit quelque chose d'absolument incroyable, je trouve, c'est cette histoire d'épluchure. La mère qui lui dit « vous voulez une assiette ?»« Oui, oui, donnez-moi votre assiette, je vais mettre mes épluchures dedans. » C'est-à-dire qu'on est à la fois sur quelque chose de totalement prosaïque, mais qui est le comble de l'intimité familiale. C'est-à-dire que là, c'est vraiment une scène de famille. D'abord, scène de famille parce que scène de repas, bien sûr, ça c'est un classique. Et dans le détail, vous voyez, arriver à parler des épluchures à l'écran et rendre ça bouleversant, c'est vraiment qu'on est, on est vraiment au cœur de la famille. Et c'est ça qui est le point important. C'est-à-dire que là, Doinel, se sent parfaitement bien chez lui. Il a trouvé un cocon, ce qu'il recherchait et ce qu'il n'a pas connu. Et au moment où il se trouve à table avec cette famille, eh bien, celle qu'il aime, qui est jouée par Marie-France Pisier, et celle dont il est très épris, vous l'avez entendu, elle sort avec un autre jeune homme, mais il faudrait le voir, ce jeune homme. Oui, Albert, qu'on le reverra plus tard, d'ailleurs. On le reverra plus tard, mais parce que là, il faut voir l'effet de contraste. D'abord, Douanel, Jean-Pierre Léo, est assis à table. L'autre est debout avec son imperméable. Puis c'est un garçon très bien, grand, costaud, qui a toutes les qualités. On le sent sportif, intelligent, de bonne famille. Et Antoine semble complètement écrasé à côté de cela. Et puis, l'espèce de désinvolture folle de Marie-France Pisier, qui parle d'Antoine comme d'un copain. Et puis voilà, elle sort avec ce garçon et Antoine reste avec les parents. C'est absolument terrible. Ils vont regarder, le summum, c'est qu'ils vont regarder ensuite la télévision ensemble. Mais Truffaut excelle à filmer les scènes de la vie quotidienne. Que ce soit dans Baiser volé, dans Domicile conjugal, au moment où Antoine Douanel va emménager avec Christine, la façon qu'il a de montrer la cour intérieure et la vie qu'il y a dans la cour intérieure à l'époque, dans les bâtiments des années 70, où tout est ouvert, il n'y a qu'un téléphone pour toute la cour, donc on appelle le voisin qui va prévenir la voisine, qui lui-même sort les poubelles, qui lui-même fait ceci. C'est des scènes qui sont vraiment extraordinaires dans le cycle Douanel. Oui, le cycle Douanel, effectivement, fonctionne vraiment, comme vous le dites, par le quotidien, par des aspects ordinaires de la vie, mais en même temps, en permanence, décalé, et je trouve, soit suscitant un effet comique, soit suscitant quand même une forme d'émotion, même si vous en doutiez. Là, il me semble que l'émotion d'Antoine et Colette, à la fin, c'est absolument bouleversant, parce que, moi j'ai mal au cœur pour ce garçon qui était conduit d'une manière incroyable. Il faut dire aussi qu'il a déménagé spécialement pour être en face des parents de Colette. Il n'a plus qu'à traverser la rue pour y aller. Voilà, cette jeune fille, c'était toute sa vie. Il subit un revers extrêmement douloureux, parce que vous le voyez, c'est pas simplement qu'elle ne veut pas de lui. C'est que, voilà, elle le traite simplement en bon copain. Et il y a quelque chose de... Et puis là, il en prend conscience, que vraiment, c'est perdu, quoi. On retrouvera ensuite Antoine Douanel dans Baiser volé en 1968, 6 ans plus tard. Il courtise au début du film une femme qui s'appelle Christine, interprétée par Claude Jade. Et il est encouragé par le père de cette Christine à trouver des travaux. Alors on retrouve la même chose que dans Antoine et Colette. On le voit à table avec les parents de Christine, même quand celle-ci n'est pas là. Et puis on va découvrir une autre facette de ce personnage qui va s'enrichir à mesure que les films avancent. Il va travailler. Et pas n'importe quel type de petit boulot, il va en faire beaucoup. Il y en a 4 ou 5 rien qu'au sein du film Baiser volé. Et là, il vient de trouver, dans la scène qu'on va entendre, il vient de trouver un nouveau travail. Et le père de Christine demande à Christine de deviner quel est ce travail. Écoutez l'attitude du père, parce que d'accord, ce sont des parents gentils. C'est peut-être un décalage de génération, mais écoutez la façon qu'il a de parler à sa fille. Oh tiens Antoine, comment ça va ? Comment ça va ? Mais je croyais que vous veniez mercredi. Vous n'êtes plus à l'hôtel ? Il travaille plus à l'hôtel. Il s'est fait renvoyer. Bah alors il cherche du boulot. Non, j'en ai trouvé, ça y est. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Oh, ça tu devineras jamais. Allez, cherche. Allez, vas-y, cherche. Je sais pas, mais... Vendeur de journaux ? Oh non, mieux que ça, oh non. Allez. Bagagiste à Orly, ça doit pas être mal. Et non, il a pas assez de relations. Allez, cherche. Je sais pas. Allez, pas d'imagination. Artiste peintre. Et voisin, moi. Ça coûte trop cher. Écrivain. Non. Mieux payé. Allez, cherche. Goûteur d'eau. Ouais, tu gueules. Oui, si, c'était un métier formidable, j'ai vu ça à la télévision. Non, c'est très protégé comme profession, c'est pas ça, non. Moins fatigant. Mais chauffeur de taxi de nuit. Ah, c'est bien. Ah, il y a un petit rapport là quand même. Allez. Oh, allez, vas-y, cherche. Poète. Non, pire que ça. Pire. Moins intellectuel. Plus dangereux. Moi, je sais pas. J'ai dit dangereux. Dangereux. Je ne sais pas. Tu veux que je t'aide ? Je vais faire un geste. Avec un revolver ? Bon, non, c'est pas un revolver, c'est une loupe. Grosse loupe. Une loupe ? Sage. Mais je trouve pas. Allez. Je vais faire le geste, voilà. Mais shérif ? Exactement. T'as pas vu son cheval dans non, le jardin ? Non, ne plaisante si, pas. Si. Non, c'est vrai, je travaille chez un détective privé. Un détective privé ? Ouais. Antoine Cochon, agent fédéral américain. Non. Vous connaissez bien l'agence Blady. L'agence Blady. Ok, 3 cherches, filature. Ah oui ! Oh bah bravo, ça fait formidable. Vous allez nous raconter ça ? Allez, viens vite, mettez. Alors c'est une période où il y avait beaucoup plus de travail qu'aujourd'hui, Arnaud Geek, mais comment Antoine Doinel se retrouve-t-il détective privé ? Alors dans ce film, vous l'avez dit, c'est un des aspects importants que Truffaut a voulu développer. Antoine Doinel fait plusieurs petits jobs. Alors il commence d'abord par être gardien de nuit d'un hôtel, et puis ensuite effectivement détective, et puis il deviendra à la fin réparateur de télévision. Et à chaque fois, voilà, il s'agit de montrer quels sont ses petits jobs, ses petits boulots, et puis d'en montrer l'aspect anecdotique et comique. Là, détective privé, alors Truffaut a fait faire par ses co-auteurs des enquêtes très très poussées sur ce que recouvrait ce métier-là, qui existait à l'époque encore. Mais ce qui l'intéressait, je crois, c'est que, et d'ailleurs tout le film est nourri de cela, c'est ce qu'il appelle les petits faits vrais de la vie. C'est-à-dire que détective privé, aujourd'hui ça nous paraît complètement exotique, mais c'était une activité réelle et qui comprenait un certain nombre d'actions. Et là-dessus, donc, il a fait enquêter et il s'est appuyé sur pas mal de faits tout à fait avérés. Donc c'est par souci de réalisme ? Oui, c'est-à-dire que, ah oui, là c'est absolument évident. Chez Truffaut, il y a un souci, et dans les Doinel, il y a un souci de réalisme très très fort, justement dans les petits faits de la vie ordinaire, et pour pouvoir donner de la réalité, alors même, vous voyez, il y a cette opposition entre le fait que Doinel, lui, nous fait décoller de la réalité, puisqu'il nous fait basculer dans la fiction, mais cela sur fond d'action et d'une histoire qui est tout à fait ancrée dans le réel. Voilà. Mmh. C'est ça qui me paraît important. Alors, sur ces petits métiers, ce qu'on peut simplement dire, c'est que, et ça on le verra, d'ailleurs c'était déjà le cas dans le précédent, dans Antoine et Colette, qu'est-ce qu'il faisait ? Il travaillait dans une maison de disques et il mettait les disques dans des pochettes et puis après il fabriquait des disques. Il s'agit quand même de métiers, et Truffaut les a vraiment pensés comme tels, des métiers un peu à la marge, pas des métiers ordinaires. Et Doinel, c'est évidemment ça. Doinel, c'est quelqu'un qui n'est pas inséré normalement dans la société, d'où le choix de ce qu'on pourrait appeler plutôt de ses petits boulots. D'ailleurs, qu'il prend un peu par hasard, et puis ça se passe toujours mal. Ça se passe toujours mal, et systématiquement, on apprend qu'il est mis à la porte, ou en tout cas que ça n'a pas duré très longtemps. Mais là où ça fonctionne très bien avec le personnage de Doinel, c'est que cet enchaînement de petits boulots, on ne sait jamais comment ça va se passer, on ne sait jamais quel travail il va faire après, et s'il va continuer de travailler dans ce domaine-là longtemps ou pas. Et c'est comme ça en fait que ça se passe tout le temps avec Antoine Doinel, on ne sait jamais que ce soit ses boulots, sa vie conjugale ou ses conquêtes, si c'est pour toujours ou si c'est pour une heure, si ça va continuer ou pas. Il incarne à lui-même cette espèce d'errance ou d'absence de détermination qui caractérise assez bien ce qu'on appelle la nouvelle vague, en réalité. Oui, oui, vous avez tout à fait raison. Mais, et puis surtout, enfin, on ne le voit pas du tout un instant. D'abord, on ne l'imagine pas derrière un bureau. Ça paraît impossible, absolument impossible. Et on ne l'imagine pas se livrant sérieusement à une activité qui serait un travail. Tout de même, s'il se met à travailler, c'est pas un étudiant, hein, c'est quelqu'un qui travaille parce qu'il est autodidacte, ce personnage, il n'a pas fait d'études, il n'a pas de diplôme, donc il ne peut faire tout de même que ce genre de boulot. Mais on ne l'imaginait pas, encore une fois, derrière un bureau, et on ne l'imagine pas le faisant très sérieusement. Donc il y a effectivement cette légèreté qui fait que, comme vous le dites, il s'investit à la fois complètement dans ce qu'il fait. Enfin, il s'investit complètement dans ce qu'il fait, mais il ne le voit pas du tout comme un travail. D'ailleurs, ce qui est même, pour le coup, pas tout à fait juste, parce qu'à la fin, quand on voit réparateur de télévision, bon, je pense pas que ce soit un travail, en tout cas à l'époque, particulièrement passionnant. Or, il est montré quand même toujours comme étant enthousiaste. Toujours comme étant enthousiaste dans ce qu'il fait. Ah, enthousiaste, oui. Déterminé et perdu. C'est ce qu'il renvoie. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais ce qui va se passer la minute d'après, mais même dans sa tête. On a toujours l'impression qu'il est à un endroit qu'il voudrait être ailleurs. Oui, on n'arrive pas à l'assigner. Nouvelle vague. Oui, vous parlez de nouvelles vagues. L'idée d'une errance, l'idée effectivement de personnages assez. Mais c'est même pas théorique. Je trouve qu'Antoine Doinel, incarné par Jean-Pierre Léaud, renvoie ça de manière très très profonde. Et c'est troublant pour le spectateur. On a envie qu'il s'arrête ou qu'il dise quelque chose. Il est sans arrêt en mouvement, arrêt insaisissable. Ça, il est sans arrêt en mouvement, et y compris lorsqu'il parle d'ailleurs. ce qui est pas facile et ce qui donne je sais pas moi une espèce de vivacité folle. Oui, à la fin dans le dernier l'amour en fuite, on lui dit mais il faut que tu t'arrêtes un petit peu Antoine, arrête de courir. Effectivement, c'est vrai que c'est un personnage qui court, qui n'arrive pas à se poser, oui, qui est à la recherche en permanence de quelque chose. Quand on voit un tel sens du réalisme dont fait preuve François Truffaut, on peut se demander pourquoi est-ce qu'il n'a pas tout simplement fait du documentaire. Voici sa réponse. Moi, je hais le documentaire parce que tout ce qui m'a jeté dans le cinéma, c'est justement l'amour de la fiction. C'est l'idée qu'une chose est imbriquée, qu'elle est ajustée, qu'elle est manipulée, qu'on vous raconte l'histoire dans un certain ordre. Tout est là quand même. On voit bien le plaisir qu'on a dans la vie à parler avec quelqu'un qui ne sait pas raconter les histoires et qui commence par la phrase qu'il devrait garder pour la fin. Et puis l'autre, au contraire, qui est un merveilleux raconteur. Bon, bah, c'est pareil quand on est au spectacle. C'est pour jouir du talent du raconteur, ça c'est certain. Alors, j'aime la fiction à fond et je m'intéresse beaucoup sur ces questions de fiction et documentaire. Et très souvent, dans mon travail, pendant que je tourne, quand ça ne vient pas comme je veux, je ne dis pas c'est mauvais, je dis ah c'est pas bien, ça fait documentaire. C'est-à-dire qu'il faut trouver à ce moment-là quelque chose d'intrigant. Évidemment, ça part d'une idée peut-être pessimiste, je pars de l'idée que... Bien sûr, les gens ont eu envie d'aller au cinéma, ils sont venus dans cette salle, ils sont rassemblés, mais nous avons un ennemi qui est là, qui est l'ennui quand même, qui est l'indifférence. Il y a des films, je vois des films qui se déroulent dans l'indifférence, franchement. Bon, on veut éviter ça, évidemment. L'idéal, je sais pas, le rêve d'un raconteur, c'est qu'on l'écoute la bouche ouverte, voilà. Moi, j'ai toujours rêvé ça, d'une salle de cinéma, que ce serait 500 personnes la bouche ouverte. Vous voyez, c'est ça, presque le rêve. Allô, oui ? Allô, Ida ? Salut, Antoine. Bonjour, c'est Antoine, là, sur l'affaire Cendrillon. Alors, Monsieur Tabar est surnommé le dinosaure par son personnel. Ah, j'ai fait la connaissance de Madame Tabar. Elle a une voix enchanteresse et parle l'anglais avec une pureté admirable. Donnez-moi son signalement. C'est une femme superbe. Avec un air très vague et très doux. Le nez est un peu relevé, mais droit et spirituel. Sa taille ? Ah là, la taille est lancée. Non, je vous demande combien elle mesure. Oh, 1m66, sans talons. La forme du visage ? C'est un ovale très pur. Enfin, un ovale un peu triangulaire, mais le teint est lumineux et comme éclairé de l'intérieur. Ce qu'on vous demande, c'est un rapport, pas une déclaration d'amour. Bonne nuit. Antoine Douanel est fou amoureux de Fabienne Tabar, qui est la femme de son patron. Il ne peut pas avouer cet amour de peur de perdre son emploi. Finalement, il s'avère qu'elle va plutôt bien réagir. Arnaud Grieg, et c'est pas le moindre des retournements de ce film. Je rebondis quand même, parce que les deux, mis bout à bout, invitent à le faire, sur ce que dit Truffaut dans sa haine du documentaire. Il dit, mais en fait, l'ennemi, c'est l'ennui. Mais si c'est ça qui motive un réalisateur, aujourd'hui, si on se dit, on veut pas ennuyer le spectateur, on propose des films qui ne laissent pas une seconde de répit. On qualifierait pas les films de Truffaut aujourd'hui comme étant le meilleur moyen de conjurer l'ennui. Ça veut pas dire qu'on s'ennuie en les regardant, mais ça veut dire que ça demande quand même une certaine exigence de la part du spectateur. Oui, mais c'est ce dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il est contre le documentaire, mais en même temps, il s'appuie sur les petits faits vrais de l'existence. Et il parie sur le fait que ça ne nous ennuie pas. Il a ce souci, en tout cas permanent, de rendre les choses vraisemblables. En tout cas, en s'appuyant là-dessus. Vous savez qu'il avait aussi une haine des dessins animés. Parce que dans les dessins animés, les personnages ne sont pas soumis aux lois ordinaires de l'existence. Et donc l'idée qu'il y ait un arbitraire possible dans le comportement des personnages ne lui plaisait absolument pas. Donc il y a des lois, il y a des faits, il y a la réalité, et il s'appuie entièrement dessus, mais il crée à partir de cela de la fiction. Oui, c'est ça, mais le meilleur moyen de ne pas ennuyer le spectateur, c'est de ne pas du tout être réaliste. Pourquoi garde-t-il quand même cet ancrage dans la réalité ? Ah, mais parce que ça, pour lui, c'est absolument vital. Et quand il dit qu'il a une haine du documentaire, moi, il ne faut pas oublier quand même que dans Les 400 coups, la fameuse scène de la psychologue s'est tournée comme une espèce de documentaire. Vous savez que c'est la seule scène qui a été tournée en direct, oui, et non pas en post-synchronisation, qui est une espèce d'interview, quasiment comme on pouvait les faire à l'époque à la télévision. Simplement, il arrive à l'insérer. D'abord, il coupe, il monte et il l'insère dans de la fiction et il produit de la fiction. Mais cette haine du documentaire, c'est l'idée de, comment dirais-je, la haine d'une image brute. Il faut qu'elle soit retravaillée, mais c'est pas du tout une haine de la réalité et du quotidien chez lui. Est-ce que c'est pour ça que ces personnages, et surtout d'ailleurs Jean-Pierre Léo, ont souvent l'air de réciter un texte ? Alors ça, c'est propre. Je pense pas que ce soit tous ces personnages. Vous, vous avez ce sentiment avec Jean-Pierre Léo parce qu'il a une diction très particulière. Voilà, c'est propre à Jean-Pierre Léo, vous pensez? Ah oui. C'est pas une direction d'acteur? Non, non, pas du tout. C'est vraiment propre à Jean-Pierre Léo qui a cette façon de jouer très particulière. Et je pense qu'il a eu du mal, comment vous dire encore une fois, à l'époque des 400 coups, il jouait de façon très naturelle, comme souvent à cet âge-là, très naturelle. Et puis en vieillissant, je crois que ça a été plus difficile pour lui. Il a voulu... comme souvent c'est le cas, il a voulu devenir un acteur, c'est-à-dire apprendre, jouer la comédie. Et ça devient plus difficile, il n'avait plus la spontanéité qu'il pouvait avoir. Et donc effectivement, il a ce jeu qui est décalé, il a un jeu qui est décalé et qu'on peut ne pas aimer. Moi, j'adore ça, je trouve ça fascinant et c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à s'ennuyer. J'ai l'impression qu'il pourrait lire le Botin. Moi, je suis absolument fasciné. Mais c'est dans ce décalage... qu'il arrive à créer, qui n'est pas du théâtre non plus. Non, mais c'est vrai que c'est là où ça peut grincer pour le spectateur, c'est que... Je sais. D'un côté, la caméra retranscrit de manière extraordinaire l'ordinaire, justement, et de l'autre, on a Jean-Pierre Léo, qui, mais... de toute évidence, ne se glisse pas dans cet ordinaire. N'oubliez pas qu'il n'y a quand même pas que ce qu'il dit, il y a aussi sa gestuelle, et il y a son allure. Jean-Pierre Léo et Antoine Doinel, c'est aussi quelqu'un qui, en permanence, vous savez, réajuste la mèche de ses cheveux, en permanence, il a un geste absolument incroyable. C'est quelqu'un qui, un peu comme Guitry, lève l'index en permanence lorsqu'il s'exprime, il met les mains aux étoiles. Il y a toute une gestuelle et un style douanélien qu'il a inventé, et effectivement dans sa manière de se mouvoir et de parler en se déplaçant, qui fait que l'ensemble produit cet effet. Donc il ne faut pas simplement l'entendre. Je crois qu'il ne faut surtout pas simplement entendre Jean-Pierre Léo, mais le voir. Le voir, oui. On va entendre un tout dernier extrait, cette fois-ci de Truffaut, parce qu'on a, bon, il y a d'autres extraits de films, on n'a plus le temps, Arnaud Guigues, hein, c'est un peu ambitieux de vouloir parler de 5 films en 50 minutes. J'espère qu'on aura donné envie de les voir. Une espèce de conclusion par Truffaut lui-même qui revient sur l'invention de ce personnage d'Antoine Doinel et les regrets. Les regrets à l'égard de son propre travail, écoutez. Je me suis dit que peut-être je n'avais pas réussi à le faire évoluer. Il a commencé ce personnage assez autobiographique et finalement, au fur et à mesure, je l'ai éloigné de moi. Et peut-être que je n'ai jamais voulu lui donner une ambition, par exemple. Et je me demande si je ne l'ai pas fixé un peu comme un personnage de dessin animé. Vous voyez, Mickey ne peut pas vieillir. Voilà, et c'est peut-être... c'est peut-être l'histoire d'un échec, ce cycle Doinel, même si à l'intérieur, les films sont agréables et amusants à voir. L'histoire d'un échec, Arnaud Guigues. Vous venez de dire en plus à quel point il détestait dessins animés. Quelle image prend-il pour parler d'Antoine Doinel, celle de Mickey? Et oui, et en même temps, je trouve que là, il donne la vérité du personnage. C'est-à-dire un personnage qui, bien sûr, ne peut pas vieillir. Il est évident que Doinel, dans le dernier Doinel, il a à peu près 32-33 ans. Il est absolument évident qu'il ne peut pas lui donner d'ambition, qu'il ne peut pas être carriériste, il ne peut pas évoluer justement parce que il restera toujours Doinel. Alors c'est peut-être entre guillemets la faiblesse du personnage, mais c'est ce qui le constitue, je crois, très profondément. Il reste le jeune Doinel qu'il était malgré ses 33 ou 34 ans. Alors est-ce que c'est un inconvénient? Non. Ça s'arrête à l'amour en fuite et effectivement il faut surtout pas qu'il y en ait d'autres derrière, ça n'aurait aucun sens. De toute façon Truffaut meurt après. Oui, mais même je vais vous dire la preuve de cela, c'est ce qu'est devenu Jean-Pierre Léo. Et j'ai infiniment de tristesse quand je vois aujourd'hui Jean-Pierre Léo au cinéma, alors que vous avez compris, j'ai une immense admiration pour lui, mais parce que, pourquoi? Parce que nous voyons Antoine Doinel et nous nous disons « mais c'est pas possible, ça n'est pas possible, Antoine Doinel ne peut pas vieillir, il ne peut pas être le Jean-Pierre Léo que l'on voit aujourd'hui, qui, comme vous le savez, est abîmé physiquement. C'est quelqu'un qui est très abîmé. Et Antoine Doinel, ben, c'est un personnage qui, bien sûr, ne pouvait pas subir, je crois, les transformations du temps, et surtout dans le sens d'une dégradation. Donc... évidemment que le cycle devait s'arrêter là et qu'il ne pouvait pas en être autrement. Et Truffaut semble le regretter, mais j'ai l'impression que vous aimez encore plus Antoine Doinel que Truffaut lui-même. Ben, non, c'est parce que, je vous dis, Antoine Doinel, c'est un personnage que l'on peut voir évoluer, on peut revoir ses films, on peut les revoir, les re-revoir, et je crois qu'on en a, enfin franchement, on n'en a jamais fini. Eh ben, on va en finir avec cette émission. En revanche, Arnaud Guy, qu'on la prenne comme une invitation à tout revoir. Merci beaucoup d'être venu nous donner envie de regarder les films de Truffaut, et en particulier ceux avec Antoine Doinel ce matin. On se quitte avec une chanson parce que la bande originale des films du cycle d'Antoine Doinel est toujours formidable. On a choisi celle d'Alain Souchon, L'amour en fuite, qu'on écoute pendant le film et qui viendra clôturer cette émission. Excusez-moi, madame, est-ce que vous auriez le dernier disque d'Alain Souchon ? Ah, vous avez de la chance. Je viens juste d'être livré. Il s'appelle L'amour en fuite. On pourrait l'écouter ? Avec plaisir, dans la cabine. Merci. France Culture, Les chemins de la philosophie. Adèle Van Rijck. Caresse photographiée sur ma peau. Sensible, on peut tout jeter, les instants, les photos. C'est libre, y a toujours le papier collant transparent pour remettre au carré tous ces tourments. On était belle image, les amoureux, fortiche. On a monté le ménage, bonheur à deux. Je t'en fiche, vite fait les morceaux de verre qui coupent et ça saigne. Lave-la sur le carrelage, la porcelaine. Nous, nous, on n'a pas tenu le coup. Bou, bou, ça coule sur ta joue. On se quitte et y a rien qu'on explique. C'est l'amour. L'amour en fuite. J'ai dormi, un enfant est venu dans la dentelle. Partir, revenir, bouger, c'est le jeu des hirondelles. À peine installé, je quitte le deux pièces cuisine. On peut s'appeler Colette, Antoine ou Sabine. Toute ma vie, c'est courir après des choses qui sauve, des jeunes filles parfumées, des bouquets de pleurs, des roses. Ma mère aussi mettait derrière son oreille une goutte de quelque chose qui sentait pareil. On écoute Alain Souchon comme on écouterait un extrait de film. Arnaud Guic, de vous, on peut lire François Truffaut, La culture et la vie aux éditions L'Harmattan, le dictionnaire Truffaut que vous avez coécrit avec Antoine de Bec et d'autres ouvrages qu'on mettra en ligne sur le site des chemins de la philosophie. Encore merci. Sur France Culture, Les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver Géraldine Mosna-Savoie pour son journal de la philo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, en ce lundi matin, vous revenez sur les tribunes pour l'indépendance des journalistes du Monde. 460 journalistes, 500 personnalités lectrices du Monde, de Télérama, du Courrier International et de La Vie se sont engagés la semaine passée pour défendre l'indépendance de leur journal. Retour aujourd'hui sur les sources philosophiques de ce principe démocratique. Leur capital est étroitement lié à la valeur du journal et la valeur du journal, c'est son indépendance, justement, éditoriale. Donc, il faut bien qu'ils comprennent que leur investissement, il vaut justement si le journal a du crédit. Enfin, le journal, les journaux, parce que évidemment, Le Monde est l'espèce de navire amiral, mais les journaux du groupe ont un crédit. Et c'est cela que nous voulons absolument leur faire admettre et leur faire entendre. Comment est-on passé de la liberté de la presse à l'indépendance éditoriale ? C'est la question que je me suis posée en lisant les deux tribunes du Monde et en entendant Raphaël Baquet, elle-même journaliste dans Le Quotidien, à ce même micro sur France Culture. L'accent est aujourd'hui mis sur l'indépendance, alors qu'en 1789, c'est la liberté de la presse qui avait été proclamée. Que s'est-il donc passé ? En philosophie, et même s'ils sont presque synonymes dans la langue, on a tendance à distinguer la liberté de l'indépendance. La première est positive, la seconde négative. Le philosophe Isaiah Berlin, dans sa leçon inaugurale à l'université d'Oxford le 31 octobre 1958 a lui-même conceptualisé cette distinction. L'indépendance ou liberté négative est l'absence d'entrave à son exercice qui assure un espace de liberté. Quand la liberté positive est la possibilité que chacun se donne d'agir en dehors de toute contrainte extérieure. En ce qui concerne la presse, nous serions donc passés d'une liberté positive, pleine, entière, à un souci de se préserver de la contrainte économique, mais aussi politique ou sociale. Doit-on donc en déduire dire que la presse a perdu aujourd'hui en liberté, qu'il s'est produit une modification profonde de ses conditions d'exercice et de sa production. Des journalistes insultés, menacés ou frappés, comme ici à Rouen en janvier dernier, lors d'une manifestation des Gilets jaunes. Dans son dernier rapport, Reporters sans frontières prévient « La haine a dégénéré en violence en France, mais aussi dans le reste de l'Europe ». À la pression financière des actionnaires, il faudrait ajouter la défiance que la presse suscite désormais. Défiance, le mot est devenu courant depuis les Gilets jaunes, pour caractériser le lien fragilisé entre médias et public. Est-ce une contrainte de plus avec laquelle la presse a-t-elle affaire? Est-ce encore un signe de la perte de liberté des journaux? Quand la liberté de la presse est proclamée en 1789, elle prend la forme d'un article dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est l'article 11 qui postule, je cite, « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». De fait, si la presse a toujours été vue comme l'un des socles de la démocratie, elle a toujours été associée à son propre abus, à sa propre limitation. Dans un texte de 1817, qu'il faut absolument relire, l'homme politique et philosophe Pierre-Paul Royer-Collard, je ne sais pas si vous le connaissez, propose ainsi une thèse originale de la liberté de la presse. Celle-ci n'est pas seulement libre parce qu'elle s'exerce, mais aussi parce qu'elle est réprimée dans ses abus. Comment peut-on comprendre cela? Comment comprendre qu'il est juste que les médias soient défiés? Nous avons une presse qui ne cherche plus la vérité. Elle disait ce matin, regardez, un directeur de la préfecture de police a dit que c'était faux. Il dément, quelques heures plus tard, on l'entend. On dit, regardez, les images tournent en boucle d'une scène inadmissible et que je condamne. Je ne vois jamais la scène d'avant, la scène d'après. Quel est le contexte? Qu'est-ce qui s'est passé? S'agissait-il d'individus qui buvaient gentiment un café en terrasse? Que s'est-il passé juste ensuite? J'ai cru comprendre qu'il y avait des images. Où sont-elles montrées avec la même volonté de rechercher la vérité et d'apporter de manière équilibrée les faits? Non. Je vois un pouvoir médiatique qui veut devenir un pouvoir judiciaire. Pression financière, défiance du public, il ne manquait plus que la critique du président de la République pour clore le tableau des contraintes que subissent les médias aujourd'hui. Ce qui permet de reposer la question de Royer-Collard, comment faire pour défier la presse sans pour autant la mettre en danger? Eh bien pour Royer-Collard, mais aussi pour tout un ensemble de philosophes français du 19e siècle, comme Tocqueville, la presse est ce qui permet l'émergence d'une opinion publique. Dès qu'elle fait primer des opinions particulières sur l'opinion générale, là est le danger. D'où la nécessité de la défier, c'est-à-dire de la critiquer. D'où le fait aussi que la liberté de la presse est par essence une indépendance et pas une liberté pleine. Elle travaille à ne dépendre ni d'opinion privée, ni d'intérêt privé, et encore moins du pouvoir du président. La presse n'est donc pas moins libre aujourd'hui, mais apparaît dans toute sa splendeur l'indépendance dont elle doit faire preuve. Merci beaucoup Géraldine, et vous nous conseillez de lire un ouvrage? Alors on peut lire Les Libéraux, c'est une anthologie de Pierre Manant dans laquelle on trouve le texte de Royer-Collard sur la liberté de la presse. On la trouve chez Gallimard. Bah merci, ça donne très envie de lire ce texte. Merci Géraldine. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo. Et merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission, et une semaine sur François Truffaut demande beaucoup de travail, comme vous pouvez vous en douter. Merci à Thomas Beau qui a fait les montages de ces films et qui va réaliser toute cette semaine. Merci à Manon de la Selle qui a préparé cette émission, avec Jules Barbier, Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert. Aujourd'hui, à la prise de son, c'était Souad Boukorsa. On se retrouve demain pour la suite de notre série sur François Truffaut. Demain, on sera en compagnie d'Hélène Frappa. La philosophe viendra nous parler de la nuit américaine. Vous savez, on trouve cette citation, les films sont comme des trains dans la nuit. Que voulait-il dire et quelle est la conception du cinéma que Truffaut nous livre dans ce film? C'est à la fois très théorique et en même temps absolument fascinant et très pratique, vous verrez. Ce sera demain à 10h. D'ici là, pour écouter cette émission, cette première émission sur le cycle Antoine Doinel, en compagnie d'Arnaud Guigues, c'est facile. Vous vous rendez sur le site de France Culture, à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pourrez réécouter cette émission et toutes les émissions d'ailleurs en ligne. Vous pouvez aussi les télécharger, les podcaster pour les écouter où vous voulez. Et quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, où l'équipe sera ravie de répondre à vos commentaires. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.